Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rocky. On reçoit Simon Fitzbay avec sa chronique Paul is Dead. Et on a enfin du nouveau matériel des Incorrigibles, toi. Tout ça et encore plus à Assemblage Rocky. Ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky, votre émission du retour en pièces détachées sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Il y a une abeille dans le studio. Non, j'imitais une drill. Ah, mettons. Ah, okay. Mettons, là. On voit que. Ouais. Ou un outil de dentiste, c'est selon. Ou une abeille. Ou la chanson thème des rivières, je pense. Tu sais, quand ça se met à cylindre, même si tu gossins quand t'es aux rivières, ça. En tout cas. Tranche de vie, là. T'es allé voir la ferme? Non. Okay. Non, je me rappelle juste qu'on dirait que tu visites le dentiste quand tu vas aux rivières, puis c'est comme pas vraiment ce que j'ai besoin quand je vais aux rivières. Je sais pas si ça a changé. Bref, peu importe. Bienvenue à Assemblage Rocky, bienvenue à vous, bienvenue à toi, Kaywan, bienvenue à moi, Mathieu. Bienvenue dans notre insanitarium. Genre, c'est même pas un mot, je sais. J'invente des mots, c'est de même. Je me trouve intéressant, t'sais. En fait, pas du tout, je me trouve vraiment nul. Bref, aujourd'hui à l'émission, on va voir Simon Fitzbay avec sa chronique Paul is Dead qui va nous parler d'un autre bit du rock'n'roll. En fait, il va nous parler d'une liste. Il nous a trouvé une liste de choses des plus intéressantes. Sûrement. Ah oui? Sûrement. Okay. J'imagine, j'espère pour lui parce que sinon... D'accord, on va aussi avoir aujourd'hui à l'émission une petite pièce des Incorrigibles. Ça faisait un petit bout de temps qu'il n'était pas venu nous voir. Ben, en fait, je pense pas qu'il va venir nous voir d'ailleurs. Je pense pas non. Mais c'est pas grave parce qu'il y a quand même un nouveau truc, du nouveau matériel, une très bonne pièce. À mon avis, une des meilleures qu'ils ont fait à date. Oui, c'est dans leur top 5 certainement, oui. En plus, ça fit avec l'époque de l'année parce que ça parle du temps des sucres. C'est une pièce traditionnelle. La musique traditionnelle. C'est ça, c'est comme du folk, là, si on veut, du Canadiana. Du trad. Voilà. Disons-le avec les vrais mots, du trad. Vers la fin de l'émission, on devrait vous présenter ça, cette pièce des Incorrigibles. C'est vraiment très bon, manquez pas ça. Voilà, on est ensemble jusqu'à 17h et on commence l'émission en musique avec Carquois et leur nouvel album Les Chemins de Verre. Leur pièce, Les Chemins de Verre, va entrer dans le palmarès demain. Donc on va l'écouter tout de suite en primeur des palmarès C'est Fou. Arrête-moi ça, c'est pas comme si elle avait joué 45 fois déjà à C'est Fou. C'est tout nouveau pour vous si vous l'avez pas entendu, hein? C'est comme ça qu'on dit ça. C'est toujours ça, hein? Quand t'as pas entendu quelque chose, c'est nouveau. ici. Every time my body turns to liquid and my room gets gloomy, through my eyelids, are you coming to take me away? Please come on and take me. Waving Hands et Bonne Nuit Mon Cœur à Assemblage Requis. Ça va faire son entrée sur le palmarès francophone cette semaine et ça va être diffusé demain, jeudi, entre 13h et 15h. Avant ça, on a entendu Yeah Yeah Yeahs avec une pièce de leur album It's Blitz. C'était Skeletons et on a débuté le bloc avec Carquois et la pièce de leur album Les Chemins de Verre. L'album est sorti hier, le 30 mars, donc c'est tout frais et c'est tout beau. Et ça aussi, ça va faire son entrée dans le palmarès francophone demain. Ouais. C'était l'émission du retour en pièces détachées en compagnie de Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. On retourne en musique immédiatement. On va aller entendre un petit peu de Woodhands et leur bonne vieille pièce Pocket tout de suite. 89 FM. Pas très épeurant quand je fais ça. Ça fait plus la foudre. State my name. longtemps, ça. The Hidden Camera avec la pièce In The Na. C'est très bon, ça. Et The Hidden Camera, qui est un groupe de Toronto, d'ici au Canada, fait, comme vous l'avez entendu, dans un son assez indie rock, est en tournée présentement en Italie. En Italie et en Espagne aussi. C'est quand même assez rare que les groupes de indie rock canadiens, nord-américains, quand ils vont en Europe, font une tournée dans le sud de l'Europe, dans les pays comme l'Italie et l'Espagne. D'habitude, c'est surtout les pays du Nord, surtout en Allemagne, les pays du Royaume-Uni, la France, dans ce coin-là. Mais ça, tu me perds tellement. Je sais pas pourquoi il y a un intérêt particulier. On rend plusieurs dates là, en Italie et en Espagne. Donc, est-ce qu'ils font Berlin, la ville qu'on veut tout le temps savoir? Ah, je sais pas s'ils vont quand même faire les villes classiques des groupes. Ils vont à Zurich, en tout cas, à Munich. Munich, Zurich, c'est en allemand, je pense. Je sais pas. Je pourrais peut-être consulter. C'est toi qui avais l'air d'un fan d'histoire et de géographie. D'histoire, tu sais, ça n'a aucun lien. Ben, c'est les deux matières que j'ai pochées le plus souvent. Oui, on est à Berlin le 18 avril. Tu vois, c'est une tournée complète, là, mais vraiment la grosse tournée en Europe pour The Hidden Camera. Puis c'est drôle, là, parce que quand même, c'est pas un groupe qui est si connu que ça ici. Hein. Ils sont jamais venus, en tout cas, à ma connaissance, ils sont pas venus au Québec. Ils ont sûrement passé à Montréal là, un jour dans leur vie. Ils ont sûrement fait un spectacle là, mais ils sont pas très connus ici. Non. Ils sont cachés, si on veut. Hein? Ouais, ils sont comme une caméra cachée, pareil. Pareil. Hein? Non, mais pareil, histoire puis géographie, je te dirais qu'une fois endormi dans mon cours, là, ça ressemblait pas mal dans mes rêves. Moi, c'est sûr que déjà, si tu confonds les deux matières, tu devais pas péter des scores terribles. Hein? Pas tant, non. Mm. Pas tant. Vous êtes à Assemblage Rocky, l'émission du retour en pièces détachées. Je vous apprendrai rien. C'est pas une affaire qui est. Il n'y aura pas d'examen là-dessus. Là. Non, pas de quiz, pas de pop quiz. Hein? Par contre, vous pouvez connaître certains faits divers de l'histoire d'Assemblage Rocky, comme le fait qu'on a commencé en 1972, que K1 est arrivé de Russie, etc. Toute cette histoire-là, elle existe quand même. On se partira une page Wikipédia, toi et moi. Hein? Ah, ben oui, ce serait bien ça. Ouais, qui va être effacée dans deux jours parce que ça importe pour personne, Assemblage Rocky. Mais bon, pas grave. Bref, on retourne en musique, déjà. Oui. On fait pas grand-chose d'autre que ça aujourd'hui, hein? Pourquoi tu dis ça? On attend Simon Fitzbé, il s'en vient avec sa chronique. Justement, je trouve que c'est un petit peu imprisant pour Simon, ce que tu viens de dire. Non, non, non. Wow, wow, wow, wow. Je retiens mes paroles. Ce qu'on a fait à date dans l'émission est pas fort, c'est ça que je veux dire. Bon. Parce que j'étais pas là aussi, hein? C'est pour ça que je voulais juste me déresponsabiliser par rapport à ce que tu viens de dire. C'est ça. Non, mais des fois, il faut passer de la musique, il n'y a pas juste du contenu dans la vie, hein? Ce serait le temps de faire ça, justement, là, présentement, tout de suite, là. OK. Comme tu veux. Si tu me tords le bras, tu sais, tu vas me faire des marques. Écoutez, Relief Maps, c'est ça? Ouais. Tout de suite. Graveyard Smash. On parle en même temps, comme ça. Une chose à la fois, parce que sinon, les gens ne sauront pas ce qu'on veut dire. Graveyard Smash. À son âge requis. We'll be right back. Merci d'être en retour. On soit Simon Fitzbé et sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Paul is dead à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou 89. La radio de la scène émergente. 89. Écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Les haut-parleurs sont mieux que tes écouteurs, c'est ça? Ouais. Ah, pauvre toi. Eh oui, t'en apprendras à être économe. Et acheter tes écouteurs à un endroit où qui n'accepte pas les échanges ou les remboursements. Ah, la prochaine fois, je vais aller chez Walmart. Oh non! Non. On vient d'entendre Cameron Mance avec Out of Luck d'album The Parade à Assemblage Rock. Oui, l'album The Parade qui est sorti récemment. Ça fait quelques semaines que ça a été lancé, l'album de Martine Grou. En fait, Cameron Mance, c'est une personne seulement. Martine Grou. L'album est sorti récemment. Elle commence à faire quelques spectacles. Au mois d'avril déjà, quelques spectacles d'annoncés avec un paquet d'artistes quand même assez connus, avec Jamil, entre autres, que j'aime pas, mais qui est quand même connu. Hôtel Morphée, 30 avril, va jouer avec Hôtel Morphée. Ça va être un très bon spectacle. Et au mois de mai, avec Darling de Maze, un groupe qu'on adore. Ça donne drôle, de Maze, puis le mois de mai. De Maze. On dit de Maze ou de Maze? Il faudrait leur demander. Hein, cet accord-là, A-E-S, là, comment ça... Bon, bref, on va les écouter tout de suite. Moi, c'est une question que je me demande dans la vie. Comment ça fait que le O et le E dans œuf, mettons, là, quand tu l'écris, le O et le E, ils s'attachent ensemble comme si c'était un couple puis un seul symbole, O-E, tu sais. Mais que A-E, il n'y en a pas. Pourquoi? On veut savoir, nous autres, parce que ça sert absolument à rien d'avoir une lettre dédiée au O et au E, là. Hein? Vraiment pas. C'était des gens en habit autour d'une table qui ont décidé qu'ils allaient faire un petit symbole pour ça, je pense, hein. Comme bien d'autres affaires en français. Et dans son nom, toutes les langues. Des règles qui n'ont pas rapport. On aime ça? Moi, j'aime bien ça. On pourra en parler lundi prochain avec Maxime, qui est notre référence en grammaire. Sérieux? En grammaire. Je savais pas ça. Ben oui. C'est lui le plus lettré de nous tous. Ouais. C'est lui qui a le plus de mots dans son nom. C'est vrai, tu veux, déjà là? Il est parti de loin. Il a appris à écrire en écrivant Maxime Lemulleramé, lui. On écoute tout de suite Girls Soldiers de Darling de Maze à Assemblage Requis sur les ondes de Sifu. There, little one. Oh, Miss Lily. What are we to do? Ladies, ladies, ladies. You know what they say. If the boys don't come to you, go to the boys. Desert stars at night, lost in a cloud of flashing light. All this terror in my bones, a heavy chest, lots of hollow. Went on her knees and she's going far. I'm feeling a little stressed out. All these blisters on my hands, all the faces that I there's a gun in her hand, there's a gun in her hand, there's a gun in her hand, there's a gun in her mouth, there's a gun in her. quand même pas en train de me vanter que j'étais régulier, là. Quand même, voyons, non. Mais ça ressemblait à ça, mais c'est une de tes belles qualités, je trouve, Mathieu. Merci. Ça, je prendrais ça comme un compliment, tiens. Ben, il faut. Ah ouais. OK. Ben non, mais c'était un compliment. Hey, dans quelques minutes, Simon va se joindre à nous pour sa chronique Paul is Dead. En attendant, on va écouter une pièce qui va se retrouver en nouveauté sur le palmarès francophone demain, que tu vas animer dès 13h demain, Mathieu. Ben oui, demain à 13h, là, jusqu'à 15h, heure de l'Est. Là. Donc il y aura une nouvelle pièce, en fait une première pièce du nouvel album de Xavier Caffine sur le palmarès francophone ici à C'est Fou. Et on va l'écouter, cette nouvelle pièce, c'est Darwin au Vatican. Bon, Vatican. Penses-tu que c'est la première fois que quelqu'un fait cette blague-là sur cette pièce-là? Je pense que oui, hein? Sûrement. Oiseaux dans une île, des macaques et des gorilles. Les systèmes d'alarme de navet confient dans Assemblage requis. Mission du retour en pièces détachées. Au 89. Vous êtes avec Kiwan et Mathieu, hein, jusqu'à 17h. Dans cette émission-là, toute fraîche, toute, je dirais, ensoleillée, comme ça. En fait, c'est pas ensoleillé du tout parce qu'on a comme fermé les rideaux. Hein. C'est même un petit peu rouge. Tu fais-tu exprès? Ouais. C'est Simon, ça. Gagne-moi ça qui niaise avec son micro. Hey, il peut bien s'en permettre, lui. Gagne-moi ça le fendant. C'est l'autre bord. Oh. Ça prendrait un peu de gigolo, je pense. Un petit peu de WD-40. Ouais, ouais, un petit peu de quelque chose, hein, dans, en tout cas, dans. C'est clair que ça manque de lubrifiant ici. Là. Oui. On n'est pas KY, assez lubrifié, les gars. Mm-hmm. On n'a pas de KY, mais on a Kiwan. Kiwan! Ah. Oh. Oh. La voix que vous allez entendre à l'instant, là, ou que vous avez entendue ici, là, celle-là, là. Yeah. Parle. Allô? Ouais. Ça, c'est Simon Fitzbay avec sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Voici Paul is Dead. Il reste juste, en fait, c'est dimanche que ça recommence, Docteur Who. Hein? Oui, avec le nouveau puis la nouvelle. Ouais, puis le nouveau thème musical, j'espère qu'il sera très bon. Oui, il change à chaque fois. Hein, ouais, ben version. Moi, je me croise les doigts pour qu'il garde le même, là, mais on verra ce qui arrive. Hein. Quand on espère des affaires comme ça, c'est rarement ce qui arrive. Ouais. Hein? Mais c'est toujours la même mélodie, mais c'est pas la même production. C'est mais, comme un remix. Genre. C'est ça, exactement. Ouais. Aujourd'hui, messieurs, je viens vous parler de la mort. Encore et encore. Tu parles beaucoup de la mort, ouais. Ben, c'est un sujet mythique. Hein? Exactement, et surtout de la façon qu'elle est présentée aujourd'hui, parce que là, on parle d'artistes qui ont prédit leur mort dans leurs chansons. Eux-mêmes, mais par hasard, là, c'est pas genre j'annonce que dans un mois, je me tue. Là. Non, c'est ça. Eux autres, on les met à part, là. Ça n'a pas rapport. C'est ceux qui sont morts, soit de mort violente ou d'overdose de drogue, mais qui n'étaient pas rien de prévu dans leur trajet de vie. Leur parcours. Ouais, leur parcours de vie, exactement. Et donc, on débute le tout avec Tupac, qui, en fait, faisait une pièce avec Richie Rich. Vous savez, le fantôme. Là. C'est ça, le fantôme? Non, Richie Rich, un ça, c'est garçon Kaspar, riche. Ouais, ouais, Richie Rich, c'est un film avec Macaulay Culkin. Ouais, c'est lui qui fait ça. Hein? Ça. Ah, j'ai écouté ça souvent quand j'étais jeune parce que j'avais pas grand-chose à écouter. Et puis, donc, c'est ça. Il y a une pièce, en fait, qui a été... Et là, je veux pas être offensant, c'est le nom de la pièce. Ça s'appelle « Niggas Done Changed ». Oui, Niggas Done Changed. Et en fait, c'est que tout simplement, dans cette. En fait, tout le monde dit. On sait pas c'est qui Richie Rich, mais en tout cas, Tupac participe à cette pièce-là. Et une partie des paroles là-dedans sont. Et là, je vais m'exprimer en anglais. I've been shot and murdered. Can't tell you how it happened word for word. But best believe niggas won't get what they deserve. C'est-à-dire, je me suis fait tirer et je suis mort. Je peux pas vous dire comment c'est arrivé mot par mot, mais je peux vous dire que ceux qui l'ont fait vont avoir donc vont se faire faire la même chose. T'as bien nettoyé les paroles, hein? C'est ouais, pour pas utiliser des mots qu'on peut pas vraiment utiliser. Ben y a pas vraiment de ouais. Ben ouais, il y en a. Ouais, c'est ça, un petit peu. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Eh bien, alors qu'il se promenait sur la strip à Vegas dans sa voiture, Tupac s'est fait tuer, s'est fait trucider de balles lorsqu'il voyageait donc par un drive-by shooting qu'on appelle, c'est-à-dire une voiture qui passe à côté et qui tire sur une autre en espérant pogner quelqu'un. Et donc, il est décédé, je me rappelle plus exactement de la date, je l'ai pas en note, mais bon, il est décédé dans les années 90, en quelque part dans les 90s. Et comme on dit, ceux qui ont fait ça vont avoir, je vais avoir ma revanche dans le fond sur eux autres. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a tout le temps cru que ça faisait partie de la bataille entre Tupac et Notorious B.I.G., qui était aussi un rappeur de la côte Est, et Tupac qui était de la côte Ouest, ou l'inverse, je me rappelle plus. Je suis pas vraiment la scène rap des années 90, ouais, je suis désolé. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que par la suite, Biggie Smalls ou Notorious B.I.G. ou tous ces noms qu'il y avait, lui aussi a été, s'est fait décéder par balle en quelque part en voiture. Et, c'est vrai qu'on dit qu'il s'est fait décéder. Hein, c'est il s'est fait décéder. J'adore ouais. ça comme expression. Il y a des balles qui ont pénétré son corps. Ah! Ouais. Et donc, voilà ce qui est arrivé pour Tupac. Par des trous inexistants. Par des trous inexistants, ouais. Des ça, trous qui n'existaient pas. Ça a donc créé des trous. Ça a créé des balles qui ont rénové une partie de son corps en faisant des trous dedans. C'est bien. Et ouais. Ils ont nommé une aile, selon... Non. Une aile de... Comme quand on rénove un hôpital, ça. Ça n'avait rien à voir. Probablement qu'il y a des ailes d'hôpitaux qui sont à leur nom aussi, parce que leurs familles ont dû donner de l'argent, puisque ces gens-là ont fait beaucoup plus d'argent morts que vivants. C'est ça qui est un peu triste dans leur cas. Maintenant, on attaque Lynyrd Skynyrd de la pièce That Smell. Lynyrd Skynyrd est connu, entre autres, pour avoir connu une fin assez tragique. Mais d'abord, on va s'attarder à la chanson That Smell, qui, en fait, parlait plutôt... C'était dirigé vers un des membres du groupe qui était le guitariste de la formation, Gary Rossington, qui avait des problèmes de drogue et d'alcool. Et il a passé proche de se tuer une fois en voiture alors qu'il était sous et drogué. Et donc, le chanteur Ronnie Van Zant, oui, a écrit ces paroles-là un peu parce qu'il était désappointé. Déçu. Du style de vie du guitariste du groupe. Et donc, il disait les paroles. En fait, je vais les traduire tout de suite avant, à la place de les dire en anglais. De toute façon, je massacre l'anglais quand je parle. Donc, ça dit tout simplement, tu dis toujours que ça va bien, qu'il va toujours avoir un lendemain, mais le lendemain ne viendra pas pour toi. L'ange de la mort est au-dessus de toi et tu as l'odeur de la mort autour de toi. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que 3 jours après la sortie de l'album Street Survivor, sur laquelle se retrouvait cette pièce-là, That Smell, malheureusement, l'avion des Lynyrd Skynyrd s'est écrasé. Il y a eu 3 morts de membres du groupe qui sont décédés, sauf que le fameux guitariste qui se nomme Gary Rossington n'est pas décédé. Donc, il avait l'odeur de la mort autour de lui, l'ange de la mort qui était pas loin, mais lui n'est pas mort. Wow, c'est lugubre, ça. Ouais, mais c'était un peu par personne interposée, là, parce que là, le chanteur Van Zandt disait donc, ça va être toi qui vas mourir. Finalement, c'est lui qui est mort et l'autre qui est resté vivant. Mais en tout cas, c'est quand même assez juste. Et d'ailleurs, si on regarde la pochette de Street Survivor, on a le groupe Lynyrd Skynyrd avec plein de flammes autour d'eux autres, avec un genre de bloc appartement en feu en arrière. Donc, c'est un peu évocateur de ce qui est arrivé, c'est-à-dire l'avion qui s'est écrasé, ça a pris en feu et... Ouais. Malheureusement, c'est ça, Lynyrd Skynyrd qui est quand même une fin tragique. C'est quoi la pièce la plus populaire? C'est pas Sweet Home Alabama? Sweet Home Alabama, entre autres, qui est une réponse à la pièce Alabama de Neil Young. Neil Young qui faisait une critique sociale du Sud et de l'Alabama, en utilisant l'Alabama en allégorie. Et eux ont pris ça au premier degré. Ils se sont mis à engueuler Neil Young. Entre autres, font mention de la pièce de Neil Young dans leur chanson. Et depuis ce temps-là, je n'aime plus Lynyrd Skynyrd parce que j'aime Neil Young. Puis, ben, tu peux pas aimer deux personnes. Choisis ton camp. Ben non. Ben, faut que tu choisisses ton camp. Ben oui. Dans une bataille, même si cette bataille-là est arrivée il y a 30 ans. Puis qu'à cette heure, ben, la moitié du band est mort, puis ils se sont réconciliés. C'est pas grave. Ça fait ton bord, on est en période de guerre, comme on dit. Hein. Ouais, c'est ça. Une guerre perpétuelle qui est figée dans le temps. Et qu'on dit des belles affaires. Par la suite, donc, nous avons... je saute Jeff Buckley, parce que je connais pas assez son histoire pour vous en parler. Je voulais pas, comme, emmener des diffamations. Ça goûte mauvais aussi, du Buckley, de toute façon. Du Buckley, d'ailleurs, leur pub qui dit « ça goûte mauvais, donc ça marche ». Ben oui. On attend une caisse de Buckley la semaine prochaine. S'il vous plaît. Ce serait le fun. Oui, hey, les grosses radios, ils font ça, des fois. Hein. Ils disaient hey, « on... emmenez-nous n'importe quel produit de l'érable, puis on va parler de votre cabane à sucre pendant une semaine à la radio. » Voyons donc. Gang de putes! Ouais. Excuse-moi. Non, c'est vrai. Je suis très d'accord avec que c'est des gangs de puces. De puces. Oui, c'est des puces. Des pucerons. Des pucerons. C'est ça. Mais ils sont à côté de nous autres, ils sont tout petits. Ensuite, on a Hank William. Hank William, est-ce que vous savez c'est qui? C'est pas d'Henri et sa gang, ça. Non, malheureusement, c'est pas d'Henri et sa gang. Puis il est décédé à peu près 40 ans avant que Henri et sa gang soit créé. Mais quand même, c'est un chanteur country, donc de la belle période. Et d'ailleurs, tout le monde tripe sur Hank William. C'est considéré comme un, sinon le plus grand des chanteurs country de la planète, de l'histoire, du style de musique. Si le country est un style de musique, bien sûr, ça reste encore une question en débat. Non, mais lui, il a rendu cool le country pareil. Oui, il a coularisé le country. Un petit peu quand même. Oui, mais en même temps, il y a beaucoup de gens. Moi, en tout cas, j'ai lu certains livres qui disaient tous les styles de musique, blablabla, mais sauf le country, si on considère quelque, on considère pas en fait que le country est un style de musique. Mais la plupart des gens... Je comprends pas le débat. Le country ne serait pas un style de musique, ce serait quoi? Une sous-catégorie d'un autre style? Oui, c'est comme une... C'est comme du blues de bas étage, je te dirais, dans les propos. Okay. La musique, mais par contre, il faut dire, les musiciens country, ils jouent très, très bien leur instrument. C'est assez incroyable. Mais il faut dire que les paroles, là, c'est assez redondant et ça parle de ce qui est arrivé dans la journée. Un peu comme le blues, mais je sais pas. Le blues a une plus belle histoire, j'imagine. C'est la perception générale, là, c'est pas la mienne. Moi, le country, Famille d'Arèche, j'ai toute leur CD chez nous. Ah ouais, pour qui? Ouais. Famille d'Arèche. La famille d'Arèche. Ils font des CD. Je pensais que c'était juste en cassette. Alors, ils font des CD, la famille d'Arèche. Voyons, non, Paul d'Arèche, puis toute sa famille. Tu connais pas la famille d'Arèche avec la fille avec l'œil croche? Tu ne veux pas amener ça? comme ah extrait non, hey, sport. Faudrait que j'emmène ça en sport auditif à m'emmener. Mais dans tout bon truck stop au Québec, il y a des cassettes de la famille d'Arèche. Ben oui. Mais je savais pas qu'il y avait aussi des oh, CD. Oh, il y a des CD. Je travaillais dans un magasin de disques et on vendait des CD de la famille d'Arèche et c'était cool. Dans les meilleurs vendeurs. Ah oui? Ah oui. Oui. Wow. Ça paraît pas, mais eux font quand même. Ben, ils gagnent leur vie avec ça. Hein. La famille d'Arèche, l'autre, comment il s'appelle? Là, Georges Hamel. Ouais. Georges Hamel, lui, un disque par année, 100 000 copies. Grosse partie du Québec est incroyablement quétaine. Et c'est pas péjoratif ici, là. Non, vous avez le droit, c'est correct. C'est, ben oui, c'est un style et c'est bien correct. C'est tout à fait un style. Bien qu'on reçoive MC Gilles en entrevue à un moment donné pour ben venir nous parler de ça. Ben oui, on devrait rediffuser son émission même à la limite. Ça, j'y ai déjà pensé. C'est ça. Bon, changeons de sujet. Oui! Donc, nous sommes maintenant rendus à Hank Williams, comme je disais, le grand king du country, l'équivalent de Elvis dans le monde du country. Hein, puisqu'il est décédé également de raisons nébuleuses. Et en 1952, il a fait paraître sa dernière chanson à vie qui se nommait « I'll never get out of this world alive ». Je ne sortirai jamais de ce monde en vie. Ce qui est une constatation assez générale et assez éclairée, puisque, bon, habituellement, lorsqu'on sort du monde, c'est qu'on est mort. C'est et mais, par contre, il s'est arrivé, donc vraiment, il y a les paroles qui dit peu importe ce que je fais, je ne vais jamais sortir de ce monde-là en vie. Et le 1er janvier 1953, quelques mois après que la pièce soit sortie, a été donc prononcé mort à l'hôpital. À l'hôpital, le 1er janvier 1953. Bonne année! Oui, et on dit même, la légende dit qu'il aurait atteint le numéro 1 avec cette pièce-là, I'll Never Get Out of This World Alive, la journée de sa mort. Donc, la pièce qui parlait de sa mort est arrivée numéro 1. Ouais. C'était ça qui l'a tué, finalement. Ah, la surprise, hein? Ouais, c'est ça. Le bonheur. Ça se peut bien, ouais. Et bien, numéro 1, pif, paf, à terre, fini. Pif, paf. Plus rien. Ouais. Par la suite, on a John Lennon avec Borrowed Time. Temps emprunté. C'est une pièce célèbre de John Lennon, bien sûr, ben, en fait, qui se retrouve dans plusieurs, plusieurs de ces trucs là, qu'il a fait, c'est plusieurs best-of. Voilà le mot que je cherchais. Compilation. J'ai l'anglicisme facile aujourd'hui. Dans cette pièce-là, Borrowed Time, qui est une des premières chansons qui a enregistré à la suite de son Lost Weekend et sa période de 5 ans lorsqu'il s'occupait de son enfant. Donc, on sait qu'il avait arrêté sa carrière en 75 pour revenir en 80. C'est une des premières chansons donc qui a enregistré par la suite. Et on retrouve dans ces paroles-là, en fait, « Living on borrowed time without a thought of tomorrow, for tomorrow ». Dans le fond, c'est « Je vis sur du temps emprunté et je ne pense pas à demain ». Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ben, tout le monde le sait, hein, John Lennon est en très bonne santé, il vit toujours. Ben non, il est décédé le 8 décembre 1980, oui. Il, quelques temps après la sortie de son album Double Fantasy, qui contient A Borrowed Time dessus. Donc, il l'a écrit, il l'a enregistré quelques temps avant sa mort. Donc, déjà, il savait qu'il vivait sur du temps emprunté. Et également, on peut dire, je vous avais déjà parlé de ça lorsque je parlais de John Lennon, il y avait eu une entrevue en 1965 avec lui dans le temps qu'il était dans les Beatles et on lui avait demandé de quoi John Lennon risque de mourir. Il dit, ben, John Lennon, il va se faire tirer dessus par un fou. Et c'était assez éloquateur. Il savait déjà il présumait déjà que c'était quelque chose qui pouvait y arriver. Mais est-ce que l'entrevue est sortie après que ce soit arrivé ou avant? Non, c'est en 1965. Okay. Donc, tu crois pas que ça pourrait avoir causé justement peut-être qu'un fou, à un moment donné, a lu ça et s'est dit « Ah, ça pourrait être moi, non? » Ça aurait pu, ouais. Je me dis que ça pourrait être ça aussi. Ouais. Il me semble que j'avais lu des choses sur Mark David Chapman, comme quoi que c'était des gros problèmes psychologiques qu'il y avait et qu'il fallait qu'il tue Lennon pour libérer le monde de je sais pas quoi. Là. Ça, je pense pas que ça a vraiment rapport avec cette entrevue-là parce qu'il était trop comme perdu dans la tête. Et ce gars-là, je pense qu'il a reçu également des menaces de mort de plein de monde dans l'industrie de la musique. Depuis? Vraiment. Puis des gros noms. Je veux pas m'avancer parce qu'il me semble, on me rappelle pas, c'est des histoires que je me fais raconter par du monde, t'sais. Puis ils disent, ah oui, telle personne dit en entrevue que s'il sort Chapman, ils vont courir après, ils vont engager des gens pour le tuer et tout. Donc il reste en prison probablement jusqu'à la fin de ses jours. John Lennon, personne va l'oublier de sitôt, je pense. Et on termine avec Jimi Hendrix, avec sa pièce The Ballad of Jimi, qui, en 1965, avant même que le monde connaisse Jimi Hendrix, puisque surtout explosant en 66-67, il a enregistré une pièce en studio à New York. Une pièce que, en fait, qui était une des plus bizarres qui a pu enregistrer. Les gens même ont trouvé ça assez un petit peu spécial. C'est The Ballad of Jimmy qui dit tout simplement, en fait, la ballade de Jimmy. Le Jimmy dans la ballade s'appelle de son du même nom que lui, premièrement. Jimi Hendrix écrivait son nom J-I-M-I. Et la personne dans cette balade-là s'appelle J-I-M-I. C'est rare, hein? Oui, et il disait aux gens que c'était pas sa pièce, donc que c'était pas lui. Pourtant, dans la pièce, il dit « That's my story », c'est mon histoire. Et il dit « Bon, Jimmy, peu importe ce qu'il allait essayer, il savait qu'il allait mourir bientôt. Jimmy est parti, il est pas seul, par contre, parce que sa mémoire va continuer, donc il va devenir une légende. Et il lui reste 5 ans, c'est ce qu'il m'a dit. Il est parti, il vient juste de mourir. » Et Jimi Hendrix allait mourir en 1970 d'une overdose d'héroïne, c'est-à-dire 5 ans plus tard. Il avait prévu sa mort. Il s'est arrangé, tu sais. Eh ben, tu sais, c'est bizarre de dire ça, mais ouais. Lui, c'est pas un suicide non plus, c'est un overdose d'héroïne. Peut-être, par contre, qu'il trouvait ça trop dur. En même temps, il avait une belle vie, Jimi Hendrix, je veux dire. Il y avait les femmes, la drogue, il y avait tout. Et oui. Mm. Quand même. Et donc, par contre, c'est ce qu'on dit en terminant. Jimi Hendrix a quand même été assez précis pour ce qu'en est de sa mort, mais il n'avait pas écrit dans la pièce qu'il allait s'étouffer avec son propre vomi, chose qui est arrivée dans la réalité. Ça aurait été un petit peu moins glorieux dans une pièce. Ouais, un petit peu. Ça. Mais ça, c'est. Faudrait que je fasse, quasiment je fasse un article là-dessus, parce que il y a beaucoup de stars qui sont morts étouffés par leur vomi par cause d'overdose ou parce qu'ils pouvaient pas se revirer de bord, des choses comme ça. Parce que quand tu prends de l'héroïne, habituellement, l'idéal, c'est de te coucher en position fœtale sur le côté pour éviter justement de t'étouffer ou que tu t'étouffes avec ton propre vomi, tu sois plus capable de le rejeter. Et donc, ouais. C'est une belle vie, ça, je trouve. Ben oui, hein, c'est tellement le fun, tu sais. Je veux dire, tu passes pas de mourir à chaque fois que tu fais ça. Tu as des risques de pogner des maladies. Ouais. Mais le monde le font pareil. Trippant. C'est un thrill. Ça donne le goût, tu sais. C'est ça. L'adrénaline, sûrement, j'imagine. Ouais. En même temps, de l'adrénaline, tu prends ça, puis tu tombes à terre, incapable de bouger, t'es plus conscient. Ça a l'air de plus le contraire d'un rejet d'adrénaline. Ouais, c'est spécial. En tout cas, n'essayez pas ça à la maison, les enfants. En plus, c'est super, ça rend super accro, ça. C'est incroyable. T'en prends une fois, t'es fait. Puis c'est super cher, en plus. Ouais, c'est cher, les ça. Bon, merci, Simon. Mais ça fait plaisir. Beau travail, comme toujours. Ouais. Wow, hein? Les compliments, toi. Oh, à ta minute, là. Ben, je vous l'avais dit, pas de compliments. Moi, moyen travail, Simon. En plus. Ah, ben ça, je suis plus d'accord. Même, ouais. On pourrait dire que c'était pourri. Merci de pas avoir travaillé pour nous autres et d'avoir pogné ton matériel ailleurs, Simon. Ah, ben ça fait plaisir. C'est facile. Non, mais ouais. C'était quand même bien. Tu veux finir avec un autre silence, ouais? Non, ben non, plus de silence. Ouais. Là, c'est passé, ce temps-là. Là. OK. Franchement. On n'est plus dans les années 2010. Non. Ben, on n'est plus dans les années du mois de février 2010. Plus un mois que d'année, oui. Ça a plus de l'allure. Ouais. Donc, ouais. On te retrouve mercredi prochain. J'ai encore dans l'idée que c'est le mardi. Ça mais fait non, juste trois mois. C'est mercredi maintenant. Ça, d'ici la fin du mois d'avril, tu devrais t'adapter. Faudrait, hein? Je pense que je vais venir le mardi à cette heure juste pour qu'il se mélange. Ouais, c'est ça. Ça va être ça la raison que tu vas venir le mardi d'abord. Oh là là là là. Donc, Simon Fédimé, on te retrouve lundi à 18h avec Krautrock. Hein? Oui. Vendredi matin à 10h avec ton émission Album Classique. Oui. Lundi au jeudi de 7h à 9h avec On s'appelle On déjeune. Oui. Et l'assiette complète de carré aux dates les jeudis entre 11h et 13h dans le Dîner de con avec Danny Janvier. Effectivement, l'expérience. Eh oui. Eh oui. T'as des galons. Des comment t'appelles ça? Des badges. Des badges. Ouais, comme les scouts. C'est ça. Faudrait faire ça au chroniqueur ou aux animateurs. On leur donne une badge. Félicitations, t'as réussi une chronique pendant une session. Voici une petite badge. Félicitations, t'as eu une émission pendant une session. Voici une autre petite badge. Ça leur coûterait pas cher, hein? Hey, il ferait de l'économie là-dessus. C'est ça. Ouais, je viendrais le mardi, en fait, pour prendre l'avion, tu sais, avec les hôtesses de l'air et tout. Ça serait cool. Oui. Félicitations aux trois personnes qui comprennent la blague. Ben, c'est nous autres. C'est nous autres. Hey. On vient après la pause. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Le temps des plaisirs est fini. Le temps des plaisirs. 89. Ah, ça c'est clair que le plaisir est fini. On retourne à Assemblage requis. Bon, donc c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées en compagnie de Kiwan et Mathieu, mais aussi de Simon Fitzbé qui est à ma gauche ici. Allô. Salut. Hey. Ça va? Toujours en train de pas travailler. Hey, la voix qui dit 89.1, là, c'est-tu la voix synthétisée de GarageBand, par exemple? Non, c'est notre amie Juliette. Juliette. C'est un synthétiseur de voix? C'est un site Internet. Ah! Qu'on plaque des mots dedans puis qui nous sort un wave. Ah, vous n'êtes pas tout seul, hein? Il y a aussi une autre émission de radio sur les ondes de Radio-Canada qui utilise ça. Il y en a des tonnes partout dans le monde, je te dirais, qui utilisent ouais, ça. Ouais, probablement. C'est une des plus connues, Juliette. Ah, ben je vais aller voir ça éventuellement. Cherche tap Google. Google-moi ça. Kiwan. Oui. Toujours avec nous. Ben oui. Je parle pas beaucoup, mais toujours avec nous. Ben oui, je suis là. Ben oui. On va entendre une pièce de la compilation des Francouvertes. Hein. Oui, on va aller écouter le groupe qui était dans la dernière édition des Feux de forêt dans le désert, Jésus les filles, avec la pièce Mercredi. Et les noms pour la prochaine édition des Feux de forêt sont sortis cette semaine. La tête d'affiche, en fait, c'est Thorngat. Il va y avoir aussi Waving Hand. J'ai très hâte d'aller voir ça. Et aussi The Intensive Care, que je connais pas. Moi non plus. Donc nous, on écoute Jésus les filles tout de suite avec la pièce Mercredi à Assemblage requis. Peut-être que tu nous trouves une pièce pour chaque autre jour de la semaine qu'on pourrait commencer la journée avec ça. C'est quand même ça existe probablement. Manement. Ça n'a sûrement pas été fait par toutes les autres émissions de radio, ça non plus. Hein? L'originalité règne ici. Écoutez Assemblage Rocky avec Iwan et Mathieu. Simon Fitzbé est magnifique. C'est le meilleur animateur de CFOU 89,1 FM. Vous écoutez Assemblage Rocky avec Iwan et Mathieu. Simon Fitzbé est magnifique. C'est le meilleur animateur de CFOU 89,1 FM. Il est là, puis il se vante vraiment, hein, Simon. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ordinateur. J'aime ça, moi, des témoignages spontanés comme ça. Ça a l'air vraiment vrai. À cœur ouvert. Là. C'est comme rempli d'émotions. Je me sens mieux maintenant. Ah oui, d'entendre. Non, mais tu sais, l'ordinateur me reconnaît. Excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Ben, l'ordinateur me reconnaît, lui, au moins. Mais il reconnaît le talent. Ouais, il est bon. C'est pas nous autres qui te reconnaît pas, là. Fait que parle-nous pas comme si c'était nous autres. Mais non, ça, je sais que c'est pas vous autres. Non. On dirait que tu nous vises. Non, mais je vous reconnais, regarde, c'est Kiwan, Mathieu. Hey, je vous reconnais. Hey. Toi, c'est Simon Fitzbé. Quand même une chance sur deux de se tromper. Hein, comme Tom et Jerry, on sait jamais c'est lequel qui est lequel. Ou Bully Bill. Ah, Tom, c'est le chat. Ah, on sait bien que c'est tout, toi. Ouais. Et nous deux, pareil comme pour Tom et Jerry, on s'en sac pas mal. Hey! Tout ce que je sais de Tom et Jerry, c'est que c'est une sorte de déjeuner chez Chose Restaurant, ou en tout cas. Et c'était le premier nom de Simon and Garfunkel. Tom et Jerry, pas vrai? Ouais. Parce que les deux s'appellent Tom et Jerry? Non. Non. Juste comme ça? Ouais. Pour la fin. Je sais pas pourquoi. C'est un beau nom, en tout cas. Il aurait pu garder ça. C'est mieux que Garfunkel. Trop pas. Mais Garfunkel, c'est son vrai nom. Ben, c'est ça que je dis aussi. C'est un peu plate, les vrais noms, tu sais. Ouais. Silence. Ça me manquait, moi. Je sais que ça manquait pas à vous deux, mais... Ben, ça a pas manqué à grand monde. Fait que le silence, en général, c'est peut-être pas un silence malaisant entre deux phrases, mais peut-être que pour les auditeurs, présentement, le silence, point, là, ça peut peut-être leur manquer un peu. Après que l'avion se soit envolé, les couteaux volent bas. Bah, c'est ça aussi qui est assez fou, nous rend vraiment différents, c'est les références que personne du tout comprend. Ça les rapproche de nous. Oui. Je suis sûr. Vous êtes nos amis. Ben oui, vous êtes dans le club. En passant, on a parlé hier un petit peu doucement comme ça. On sème la graine. Hein? On veut demander aux gens de se trouver un surnom eux-mêmes parce qu'on veut avoir un beau petit nom cute pour les auditeurs d'Assemblage requis. T'as-tu des idées? Des surnoms? Un surnom cute, là, comme mettons les palmarès c'est fou, on a quoi? Les palmiers. Les palmiers, évidemment. Donc pour les auditeurs d'Assemblage requis, ce serait les. Et remplissez le. Comme dans Tombe Crochu, remplissez le vide. Trois petits points. Mais ça serait les. Tu veux dire pour l'émission? Non, les auditeurs, les gens à la maison, là. Les as. Les as. Ben oui, pourquoi pas? As-rec. Ou les recasses. Les recasses. Les auditeurs requis. Mm-hmm. À date, c'est super bon, oui. Ouais. Que si les gens ont des suggestions un petit peu moins scatophiles à nous envoyer, ça serait vraiment bienvenu. Ouais, n'importe quoi qui est autre que As, je trouve. Ouais, mais ça fait partie du monde. Ou ça pourrait être emblage. Emblage, les emblages. Ouais. Les engrenages. Ou les assemblées. Les assemblées. Ou les manuels d'instruction. Ouais. Les constructeurs. Les manuels Urtubise, peut-être. Ah! Oh! Les manuels Urtubise. Oh, oh, oh! Ouais, c'est bon, ça. J'aime je vote ça. Pour ça. Ça commence très bien. Les manuels Urtubise. J'adore ça. Alors, bonjour à tous les manuels Urtubise à la maison. Salut! Allô! Qu'est-ce qu'il allumait? Manigance, lui? Oh, mes petits manigances. Ouais. Ah, ouais. C'est une référence que je ne peux point commenter. Non. Il y a une émission avec un château aussi, quelque chose. Bon, ben c'était ça. On retourne écouter Little Girls. Oui, juste avant, j'avais une petite nouvelle sur les radios qu'on a entendu tantôt avec la pièce Americanorama. Là, comme 10 minutes. Là. Ouais, c'est ouais, ça. Tu veux dire avant, je te coupe. Ouais, exactement. Non, mais... On déraille. Les radios. C'est juste vous dire comme ça, si jamais vous cherchez une vanne, je vous regarde, vous avez l'air de les gars qui se cherchent une vanette de tournée. Non, Alerado donne leur vieille vanette de tournée, ils la donnent à un groupe qui a besoin d'une vanne. Donc, un groupe de musique. Un tour sur leur site internet, là, alerado.quelquechose.com. C'est comme la relève qui encourage la relève. Ouais, c'est cool. Wow. Puis d'ailleurs, il n'y a toujours pas eu de spectacle de Alerado à Trois-Rivières. Hein. Quand on les avait reçus en entrevue, ils avaient dit qu'ils cherchaient un appartement ou une cour arrière pour faire un barbecue un ou deck. Spectacle. Ouais, n'importe quoi. Donc, trop pire, quoi. Moi, si j'ai pas de band puis je fais pas de musique, mais j'ai besoin d'un char gratis, peux-tu l'avoir, là, Ben? T'as besoin d'une vanette pour faire des enlèvements. Oh là là. Mais leur vanette qu'ils donnent, elle vient pas dans un sac Ziploc. Là, comme leur disque. Exact. C'était mon punch. C'était pas mal ça, là. Ben oui. C'est le fun de finir une intervention sur un punch. Raté. Tu prends tes cours à l'Académie Mathieu Plante. Va te faire. Ça, je le reconnais que tu peux te faire. Excusez. Vous êtes Assemblage requis. Un retour de sur les ondes, genre. Il va y avoir ça au retour. Et aussi du nouveau matériel, des incorrigibles. Ça va être incroyable. Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes à C'est Fou 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes à C'est Fou. Écoutez, Kiwan et Mathieu, Assemblage requis. Oui, vous êtes toujours à l'émission Assemblage requis en compagnie de Kiwan et Mathieu et Simon qui est toujours avec nous. Non, je suis totalement sûr de ce que je dis là, c'est des faits. Je suis encore avec vous pour quelques instants et je quitte par la suite. Retourner travailler. Ben oui, commencer à. Ouais, ben recommencer à. Okay. Je fais ça depuis 9h30 le matin. Ah, ouais. Je vais pas t'insulter. Ben non, pas d'insulte là. Ben non. Okay. Les gens à la maison ont pensé qu'on était en foi, Mathieu. En foi, toi et en moi? Foi. Hey, non! Une autre fois, peut-être. Tantôt, tu m'as insulté, ça fait qu'à un moment donné... Ouais, tu m'as insulté en disant que... Qu'est-ce que t'as dit de Kiwan déjà? J'ai dit que t'avais une académie de blagues. Ben oui, de mauvaises blagues, je pense. J'ai jamais dit que c'était des mauvaises blagues. Pas préciser, on va retourner checker les enregistrements, par exemple. Ah. Écoute, si tu prends mal ce qu'on dit à ton sujet, si tu vois tout négatif, puis c'est pas notre faute si t'es susceptible. T'as juste à pas faire de joke poche, c'est ça? Ben non. Regardez encore comment il est susceptible. C'est vrai, ce que j'entends à tous les jours. C'est pas facile, hein? Incroyable. Je te plains. Oh là là. OK. On va écouter un petit peu de Japandroids. Oui, ils sont à Montréal vendredi, Japandroids, Will Motor avec Love Is All et The Two Koreas. Et on écoute quelle pièce, donc? Celle que tu veux, Mathieu. Okay. Vas-y. Voici Young Hearts Spark Fire. Assemblage requis. Qu'est-ce que tu disais de moi, toi? Ce que je t'aime. OK, on va s'en parler pendant la pièce. Un amour fraternel. Amour fraternel. Ouh! Japan Droids avec la pièce Young Heart Sparks Fire, assemblage requis. Ouais. Maintenant, ben, on a une surprise. C'est une surprise? Ben oui, ben, même si on en a parlé au début de l'émission, c'est une surprise quand même. Ben, c'est une surprise pour nous parce que les gars sont pas là, mais ils nous ont quand même donné quelque chose de nouveau. Ça fait comme un mois qu'on les a pas vus. Moi, ça me surprend. Même si c'est annoncé, ça me surprend. Ben, ils nous manquent. Moi, ils me manquent, les gars des Incorrigibles. Moi aussi, je les trouve sympathiques. Juste jaser avec eux en studio, c'est déjà quelque chose de plaisant. Ça. Mais bon. Mais ils ont quand même préparé quelque chose, mais pas spécifiquement à nous, c'est accessible à tout le monde. Vous pouvez aller d'ailleurs sur lesincorrigibles.tv pour avoir accès à tout leur matériel vidéo et audio. En fait, ce qu'on va vous présenter tout de suite, c'est à la base un film. C'est même un film qui a été fait pour le prochain Cabaret Kino qui a lieu, dans le fond, pas la semaine prochaine, dans deux semaines. C'est le deuxième, hein, tu vois, c'est dans deux semaines. Donc, c'est un film qu'ils ont fait pour Kino, mais qui est un peu un genre de clip, finalement. Puis ce qui est intéressant, l'attrait principal du film, c'est vraiment la pièce qu'ils ont composée spécifiquement pour ce film-là, qui est vraiment une traditionnelle, oui, mais typique. Puis c'est vraiment très, très bien fait. La première fois que j'ai entendu, je pensais que c'était vraiment la voix d'Yves Lambert. De La bottine souriante. La bottine souriante. C'est vraiment très bien fait. C'est les gars qui ont fait cette pièce-là et on vous la présente tout de suite. Nick, je ne suis pas ton père. Mais j'ai quand même baisé ta mère à plusieurs reprises. Les Incorrigibles! Avertissement. Dont le but de conserver l'anonymat, certains acteurs ont préféré se couvrir ridiculement le visage. Toute ressemblance avec l'instituteur latino-américain Julian Greenwood n'est qu'une putain de coïncidence. Apparence que v'là une couple d'années, il y avait un vieux calice qui faisait bouillir son sirop dans le fond de la terre là-bas. Voilà donc son histoire. C'est à ce moment ici qu'on se pète un pan vers le haut et puis qu'on laisse tourner la caméra un petit peu pour avoir une trame sonore et pour faire passer le générique. Vieux calice au bout de sa tête. Vieux calice. Y'a une petite érablière. Il va pisser ses érobes dans des choyers ben pleins de marde. Il va pisser ses érobes dans des choyers ben pleins de marde. Il va bouiller son sirop. Vieux calice. Il en va bouiller ben trop. Le bonhomme trouve ça tellement beau qu'il dira hout du hut garlo. Du hut garlo dans den mariden. Du hut garlo dans den marido. Du hut garlo dans den mariden. Du hut garlo dans den marido. Quand ça bouille à pu panto. Du calice. Par là qui canne toute sa chenote. Le savate parmi les beaux, il dira hout du hut garlo. Du hut garlo dans den mariden. Du hut garlo dans den marido. Du hut garlo dans den mariden. Du hut garlo dans den marido. Les belles filles du village. Les belles filles. Elles sont prudes et elles sont sages. Et jamais on n'osera le taponner dans le corsage. Et jamais nous aurions le tripoter les totons. Et pourtant dans le sirop, il se carre du hugelo, du hugelo dans den mariden, du hugelo dans den marido, du hugelo dans den mariden, du hugelo dans den marido, du hugelo dans den mariden, du hugelo dans den marido. Les Incorrigibles! Voilà, Hudgerlot, les incorrigibles d'Assemblage requis pour la toute première fois à la radio. Oui, si vous voulez avoir la version visuelle, la version vidéo, ben vous allez ça sur le Facebook des Incorrigibles ou lesincorrigibles.tv. Ou à la soirée Kino. Exactement, le deuxième mardi du mois à la Galerie d'art L'Appart, ici à Trois-Rivières. On espère avoir d'autres nouvelles. Mané des Incorrigibles une fois de temps en temps. On s'inquiète un peu, là. C'est ça, ils sont supposés avoir une chronique hebdomadaire, mais bon, on dira pas ça à la radio parce que je serais un petit peu insultant pour eux autres de leur dire qu'ils travaillent pas. On fera surtout pas si, comme si tu le faisais pas à chaque semaine. Mais non, jamais. Je suis un gars de respect. Pas fin, hein? M'excuse. Bon. Donc voilà pour les incorrigibles. Ouais. Il ne reste plus grand temps à l'émission. Il reste une quinzaine de minutes à passer ensemble. Et on va aller écouter encore un petit peu de musique. On y retourne et entendre un petit peu de Vampire Weekend. Qu'en penses-tu? Oui, on va aller écouter la pièce White Sky. White Sky! De Vampire Weekend. Tout de suite à l'émission Assemblage requis. Au 89 FM, c'est fou. Je trouve que j'ai des insultes. C'est pas gentil de ma part de faire référence au fait qu'ils viennent pas nous voir. Hein. Je trouve que t'insistes beaucoup. Fais nous dire au moins, tu sais, on existe. An ancient business, a modern piece of glasswork. Down on the corner that you walk each day in passing. The elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporation's giving its permission. Well, talk in tongues like alley cats, cradle them in both our laps. When we lie alone, we wear each other's heads like hats, speak in tongues like alley cats, cradle them in both our laps, and we die alone. Sleep inside a blanket to bed, planted like the crocuses. In the song my mother said she wanted us to sing. We sleep inside a blanket to bed, planted like the crocuses. And I wish my mother could see the rain above. Chip, avec la pièce Alley Cats à Assemblage requis. Mais pas ça, ça va jouer, là. Ça va jouer. C'est très bon, ça. C'est une nouvelle entrée aujourd'hui dans le palmarès anglophone, Alley Cats. Mais on la joue depuis quand même un certain moment, de certainement bout de temps. Ben oui, c'est pour ça que c'est rentré dans le palmarès. Parce que ça représente les animateurs de C'est fou, hein? C'est ça qu'on a appris aujourd'hui. Que les gens de C'est fou influencent les choses. Qu'est-ce qu'on a appris aussi aujourd'hui? On a appris qu'il ne faut pas trop rire des gens dans leur face, parce que des fois, ça pourrait quand même être mal pris. On a appris aussi que Simon aime les hôtesses de l'air. Ça, on a appris ça. C'est les leçons de la journée, je pense. Bon, parfait. Ça va faire partie de l'examen de révision de fin d'étape. Demain. Troisième étape, fini, là. Hein? C'est ça. Comme au primaire, les étapes. Pareil, avec des petites étoiles dorées. Ouais. Donc, on se retrouve demain à 15h pour une autre édition d'Assemblage requis, n'est-ce pas? Oui, demain, Stéphanie va être avec nous et on va avoir aussi une nouvelle capsule, le bidon là, dont la question, comme à tous les jeudis. toujours. Restez sur nos ondes à 17h. Kiwan va lui aussi rester avec vous par le fait même avec son émission La Dernière Porte à Gauche. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, entre autres, des nouvelles pièces de Carquois parce que le nouvel album vient d'arriver. Il va y avoir aussi du Kid Sentiment, les Gigolos, Waving Hand, plein d'autres trucs. Un rendez-vous à 17h. Ensuite, à 18h, il y aura En Attendant avec Émilie Adam. Et puis, ils veulent te faire à 19h pour du rap. Et à 21h, c'est Psy TR. Je vous invite à rester à l'écoute demain matin aussi pour l'émission de Simon. On s'appelle et on déjeune. Simon, qu'on remercie. Oui. Sa présence. Et on se laisse avec une pièce du futur album, en fait, du groupe Caribou. L'album sort le 19 avril prochain. Il s'appelle Swim. Et on va écouter la pièce Odessa en se quittant comme ça. C'est comme un dessert après votre repas d'assemblage requis. Hein? Hein? Une blague de caribou, tu sais. Ça se mange du caribou, là. À demain. Bonne soirée. Tu me dis pas bonne soirée? Bonne semaine. Bonne semaine. Ouais. Poupée.